cinéma, André Bazin substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Bonjour. C'est moi, Orson Welles. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Retrouvez toute la musique du cinéma avec Le Matou, jeudi soir à partir de 19h sur ma radio. Vision 01 47 20 0 0 0 1. Now count backward from 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. What comes after 4? 2. Keep concentrating. Just relax. Just concentrate and make your mind a blank. Okay, relax. Please, take this seriously. Relax and have a good time. Bonsoir, Matou. Bonsoir, on est bien là. Wax Taylor nous accueille ce soir. Superbe, c'est des samples de quoi ça? Bah, Wax Taylor, il sent plein de choses. Alors je sais pas tout parce qu'il cache un peu son jeu, hein. C'est ouais. Un peu sa petite cuisine personnelle. En tout cas, c'est un fan de cinéma, ça sent. Absolument. Et il a fait deux albums, Wax Taylor, ça c'est le premier, Tales for a Forgotten Movie. Et en fait, il s'imagine des films, il sample, il prend des petits bouts de films presque inconnus. Là, on entend des voix derrière nous, c'est des voix de films noirs ou des films américains. Bref, il fait ça un peu à sa sauce, après il fait un petit beat électro, et je trouve ça assez agréable à entendre et bien comme introduction en fait. Ouais, c'est sublime, moi je trouve que c'est bien chiadé. Bien chiadé. Ouais. On va revenir après avec du plus classique, parce que ce soir au programme, plein de bonnes choses. Pas d'émission vraiment spéciale, mais c'est Maurice Jarre, le compositeur français, qui va nous accompagner en fait tout au long de cette émission. Est-ce qu'on crèverait l'abcès tout de suite? Allez, allons-y. Crevons l'abcès, et donc oui. Maurice Jarre. À Enfanté. Ah oui, Jean-Michel. Jean-Michel Jarre. Voilà. Ouais, les pyramides, tout ça. Voilà. Donc, promets-moi que c'est la seule fois ce soir on va employer le mot de Jean-Michel. Jean-Michel. Voilà. Promis. Donc, on a crevé l'abcès. Voilà. On a... C'est bon, même pas envie de faire de blagues. Absolument. Non. Voilà. Donc, Maurice Jarre, compositeur. Énorme compositeur, très grand compositeur qui a beaucoup travaillé à Hollywood, peut-être le plus grand compositeur français à l'étranger, notamment avec ses collaborations avec David Lean sur Laurence d'Arabie, qu'on écoutera juste après. Une longue symphonie incroyable. Et donc tout au long de cette émission, comme je vous le disais, va nous accompagner. Il y a une interview très très très très agréable où il explique un petit peu son métier. Voilà, donc c'est assez agréable. On écoute Wax Taylor et après Laurence d'Arabie. Of three, you will awaken and remember nothing. You will have no memories of these trance feelings. None. You will not be upset by them. One. You are coming out. Two. You are nearly conscious. Three. Childhood. Let us examine your present life. Let us examine every detail. Every detail. Every detail. Every detail. Now, tell me what you see. We'll be right back. Comment faire un morceau dans la déconstruction la plus totale. La plus totale. Ça fait un lien avec, avec Godard, l'émission de Godard. Ouais, mais c'est vraiment du collage, déconstruction, mais en même temps, il y a un vrai rythme, il y a une vraie logique. Il a beaucoup de talent, Maxime. Ouais, il est français, très méconnu. Ouais. Deux albums, si vous pouvez vous les procurer, allez-y, c'est vraiment génial. Voilà, et notamment un dernier album là, qui vient de sortir, ouais. Où il y a un tube qui passe souvent sur ma radio qui s'appelle Positively Inclined. D'accord, sur Hope and Sorrow. Exactement, voilà. Très hip-hop, très d'accord. Bien. Très chouette, oui, il chante dessus d'ailleurs. Ok. Voilà. J'avais promis Laurence d'Arabie, non ? Ouais. Ah oui, voilà, c'est ce qu'on écoute là. C'est Laurence d'Arabie. L'anglais Laurence d'Arabie from Arabia. Vient d'arriver en Arabie. Ouais. Et là, c'est. C'est magique ce qui va lui arriver, on va en parler, on est dans le désert là un peu, non ? Tu te sens dans le désert un peu toi ? Oui, complètement. Tu sens que Omar Sharif avec ses yeux d'un bleu perçant arrive, que Anthony Quinn, le cabot, est là aussi. Tu sens ça ou pas ? Ouais. Et Peter O'Toole ouais, aussi ? Bien sûr, ouais, ouais. J'y suis. Ben voilà, c'est grâce à Maurice Jarre tout ça. Et David Lynn. Très sensuel ce thème. Et là, c'est incroyable parce que là, il va courir à peu près sur 12 minutes. C'est tout le thème de Laurence d'Arabie. Il y a des montées, des descentes. On arrive une surpuissance symphonique et après des petits thèmes, même arabisants. Mm-hmm. Et là, ça prouve bien comment un compositeur arrive à épouser le style l'image, d'un film et l'image. Par l'image. Absolument. Mm-hmm. Et aussi, et une éponge peut s'approprier en fait des styles. Là, des styles orientaux, par exemple. Alors que Maurice Jarre, a priori, n'est pas oriental. Ouais. Et donc, c'est assez incroyable la manière dont on se réapproprie un peu les choses. Moi, Maurice Jarre, donc c'était son grand, entre guillemets, tube, Laurence d'Arabie. C'est par ça qu'il s'est fait connaître. Absolument. C'est sa première collaboration avec David Lean sur Laurence d'Arabie. Il fera après, dans la foulée, Docteur Jivago, qu'on écoutera dans l'émission, qui est aussi un thème imparable. Maurice Jarre, c'est aussi Paris Brûle-t-il. Plus récemment, Sunshine de Danny Boyle. Ah, d'accord, c'est lui qui a absolument contribué à faire ça. Il a fait Witness de Peter Weir. Mm-hmm. Enfin, bref, beaucoup, beaucoup de musique de film aujourd'hui culte qui se caractérise par leur goût pour la symphonie, hein. On est vraiment un peu, ça pourrait être un peu un complice de John Williams, celui qui fait les musiques de Spielberg notamment. Je comprends. Pour ce goût vraiment pour grandiloquent. Voilà, absolument. Mais qui sait aussi, là, on l'écoute là juste derrière, qui sait aussi se montrer très discret là. Voilà, il y a une belle montée là. Et là, c'est toujours le même thème là, mais joué tout doucement. Et il épouse un petit peu les variations du film comme ça, avec des lenteurs et d'un coup des choses très très très très, très fortes avec des batailles, des courses de chameaux, des choses comme ça. Et donc Est-ce que c'était, il faisait partie de ces compositeurs qui étaient vraiment là pour surligner les émotions et les sentiments, ou est-ce que au contraire lui était là pour amener justement une autre lecture au film, comme certains compositeurs le font, hein. Il y a vraiment deux styles et deux écoles de compositeurs, où il y en a d'autres qui sont là pour surligner les sentiments et accentuer un peu, et peut-être aussi pour amener ce que le réalisateur n'a pas réussi à faire suffisamment. C'est marrant que tu me dises ça, parce qu'on va écouter une interview après de Maurice Jarre, où justement il raconte ça. D'accord. Et à mon avis, tout ce que tu dis est vrai, voilà, il y a le tout et son contraire. C'est-à-dire que là, on sent quand même qu'il accompagne, la musique de Maurice Jarre accompagne, ne surligne pas les émotions, mais accompagne totalement l'action. D'accord. L'action. C'est-à-dire que presque la musique est aussi importante que ce qui se passe sur l'écran. Là, il y a vraiment une fusion incroyable. Son travail avec David Lean est incroyable pour ça. Et le film donc est pour moi l'un des plus beaux films au monde. C'est un film de 62 tourné avec un cinémascope. On le dit que c'est un des plus grands films de tous les temps. Ouais, et c'est pas usurpé, parce que souvent c'est un peu l'expression voilà, c'est le plus beau film au monde, comme Citizen Kane, des choses comme ça. Et c'est vrai que Laurence d'Arabie, je défie à quiconque de pas trouver cette destinée déjà incroyable de cet Anglais qui va partir et qui va essayer de un peu réconcilier tous les peuples d'Orient et va créer donc ce qui va devenir le Moyen-Orient moderne. Et surtout une destinée incroyable, et la force de Peter O'Toole avec ses yeux bleus, avec quand il commence à mettre sa djellaba blanche, c'est des choses incroyables. Sa burqa, absolument. Ouais. Voilà. Donc là, on continue avec Maurice Jarre, et là, on arrive sur des rythmes hyper arabisants. Là, c'est fantastique ce passage. Donc là, il faut imaginer hein, des dunes à perte de vue, hein. Un soleil écrasant et le cinébascope qui renforce les couleurs. Et Laurence sur son chameau. Et Laurence sur son chameau avec Anthony Quinn à ses côtés. Omar Sharif, magnifique Omar Sharif. Tu te souviens dans le film Omar Sharif ? Bien sûr. Sublime, il a pris quelque chose d'irréel carrément avec sa beauté. Ouais, surtout qu'aujourd'hui il fait moins ça quoi. Ah bah oui, malheureusement. Omar est vieilli comme tout le monde. Peter O'Toole. Je l'ai vu récemment dans une comédie, c'était assez pathétique. Ouais, il fait un petit peu. Enfin voilà, ce rôle l'a complètement marqué. Il y a eu d'autres films avec Peter O'Toole, mais celui-là était quand même le plus emblématique. Hein. Et souvent, c'est marrant parce que dans l'histoire du cinéma, il y a des acteurs qui ont peut-être épousé un petit peu ou la destinée de leur rôle. Et c'est vrai que Laurence d'Arabie, c'est l'histoire aussi d'une chute. Hein. D'ailleurs, le film commence par un plan subjectif de la mort de Laurence d'Arabie à moto. C'est un accident. Est-ce que tu veux dire qu'il y a un syndrome du rôle trop puissant au début? Je pense, ouais. C'est-à-dire un peu comme Sylvester Stallone avec Rocky, tout ça. Stallone a quand même eu une carrière qui a quand même progressé et qui s'est étalée sur 20 ans quand même, mais en tout cas sur 10 ans, il est devenu quand même la superstar hollywoodienne. Sauf que c'était quand même son plus grand rôle, c'était son premier rôle finalement. Ouais, mais enfin, c'est un rôle qu'il a quand même accompagné sur 4-5. Là, récemment, il a fait le sien. Mmh. Il y avait aussi donc Rambo et Rocky en parallèle. C'est vrai. Donc, il y a quand même un accompagnement. Mais c'est vrai qu'il y a, dans l'histoire du cinéma, alors après, c'est peut-être des conjectures, des choses comme ça, mais celui qui jouait le Napoléon d'Abel Gance dans les années 20 ou 30, Dieudonné, il s'appelait Dieudonné. Lui, il n'a fait que ça et a fini complètement malade en se prenant pour Napoléon. Donc, je ne sais pas si Peter O'Toole, toute sa vie, le Dracula, là, comment il s'appelle ? Bela Lugosi. Bela Lugosi. Oui, absolument. Il y a des choses comme ça. Donc, il y a une espèce comme ça de démon ou des choses comme ça. Mmh. C'est sûr que Peter O'Toole, c'est Laurence d'Arabie à tout jamais. Quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que les deux personnalités un peu se confondent. Ouais. Et puis, une sorte de schizophrénie un peu, mais bon, comme toi et ton frère, hein, spécial dédicace à Julien. Voilà, qui ne croit pas à notre gémellité. Mais en tout cas, voilà, le destin de Peter O'Toole, et surtout le destin de Laurence d'Arabie, c'est avant la chute, d'abord quelque chose de grandiose. Ouais. Et la musique traduit ça, hein, c'est ces petites périodes comme ça très lentes, et d'un coup des espèces d'explosions incroyables. D'accord, et ce qu'on écoute là, parce que là c'est ma simple curiosité, c'est vraiment, ça c'est une compilation de ce qu'il a fait dans le film, ou c'est vraiment dans la durée du film, c'est-à-dire c'est vraiment... Non, c'est vraiment une compilation. Non, après c'est des extraits, absolument, c'est des extraits qui... En fait, là ça a été joué en fait, ça a été rejoué en concert, pour ça il y a des applaudissements à la fin, vous entendrez. Donc tout a été orchestré en concert. C'est pas pour nous les applaudissements. Non, c'est pas pour nous. C'est surtout pour Maurice et son orchestre. Et donc non, bien sûr, David Lean l'a utilisé en fonction des séquences. Mmh. Et le thème revient. C'est pour ça que le thème revient de manière très récurrente, comme un morceau de musique classique, je dirais. Enfin voilà, comme un modèle de symphonie. Tu disais tout à l'heure que Maurice Jarre était vraiment dans la symphonie et en tout cas dans l'orchestration symphonique. Mm-hmm. Est-ce qu'il a toujours fait ça ou est-ce qu'il a été, on va peut-être le découvrir un peu plus tard, mais est-ce qu'il a été un peu plus simple dans les arrangements, c'est-à-dire, ouais, tu veux dire moins grandiloquent. Ouais, voilà. Est-ce qu'il a toujours eu cette patte-là de orchestre symphonique, un peu... Oui et non, c'est-à-dire qu'à la fois on prend aussi Maurice Jarre pour ça. Après il y a des thèmes sur Witness qui sont vraiment plus calmes. Mais voilà, le Maurice Jarre c'est quand même la symphonie, les grandes orchestrations. D'accord. Comme John Williams. On prend d'autres personnes pour plus de minimalisme, par exemple il y a Philip Glass par D'accord. exemple. Donc voilà, après chacun a son propre style. Maintenant effectivement il y a des choses plus calmes et plus douces. D'accord. Voilà. très militaire, hein, c'est très martial, parce qu'effectivement, c'est la guerre hein, quand même. Hein, c'est les armées turques contre l'armée qui a réussi à regrouper tous les peuples d'Orient, Laurence d'Arabie. Donc là, on est proche d'Aqaba. On est en plein dans la guerre, là. Ah ouais, on est en plein dans la guerre. L'Empire ottoman qui va se construire et décliner, surtout décliner. Et ouais, effectivement, là, c'est la guerre. Alors, après la guerre, le réconfort, ouais. Avec Maurice Jarre qui va nous parler. Ouais, tu vas voir, ouais. Il a une voix très didactique. En fait, c'est un enregistrement qu'il a fait spécialement pour une compilation et pour cette réorchestration. Mm-hmm. Et voilà, il parle très simplement, on sent que c'est assez mignon, on sent qu'il récite son texte qu'il a préparé. D'accord. Et donc, voilà, on écoutera tous les morceaux de cette interview, mm-hmm. où il explique son métier, un peu comme s'il s'adressait à un jeune élève qui voulait lui aussi faire de la musique. Et en même temps, ça s'adresse à tout le monde, parce qu'il explique un petit peu son travail, la manière dont il fonctionne. Mmh. Voilà, les applaudissements bien mérités. Et juste après, on écoute Maurice Jarre, j'allais dire, dans le texte. D'accord. Merci. Et ce soir, vous êtes gâtés, les enfants, parce que vous avez Maurice Jarre en professeur. Rien que pour vous. Rien que masterclass. Pour vous. Masterclass. Masterclass. Maurice Jarre. Quand on compose une musique pour un film, on doit être concis, rapide, efficace et modeste. En effet, il n'est pas question d'écrire un concerto ou une cantate. Vous êtes confronté à une différente discipline dont la principale règle est le temps, ce qu'on appelle le minutage. Une séquence musicale sera de 4 minutes 35 un tiers et non de 4 minutes 35 et demi, ce qui vous oblige à être un peu mathématicien, car vous devez calculer le nombre de mesures à 2, 3, 4, 5, 6, 7 temps qui feront ces 4 minutes 35 et demi, à quelle vitesse, ce qu'on appelle le tempo, de tenir compte des ralentis. Ça tient de la science, hein. Ça tient de la science, hein, de la mathématique. Hein. On sent que c'est quand même l'école, quand même. Et puis de toute façon, chaque musicien, c'est quand même la musique, c'est très mathématique. C'est, hein. On voit les partitions avec les notes. Ouais, ouais. C'est le tempo. Ouais. Absolument. Et c'est ce qu'il dit. Hein, c'est le temps qui importe. Après, peu importe, tu peux faire tout ce que tu veux, mais en tout cas, te caler au temps. Voilà. Et voilà. Il parle du tempo, il parle du rythme, il parle de voilà que on parlait de. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait une discussion sur la modestie du compositeur. Bien sûr. Et effectivement, là, il le traduit assez bien cette idée qu'effectivement, si pour une séquence, c'est 2 minutes 37. Son morceau ne va pas durer 2 minutes 38. Voilà, ouais, c'est quelque chose de très, très, 37, très précis. Ouais. Quoi. Donc c'est au service du film. Absolument, et au final du réalisateur. Absolument. En fait. Ouais. Et tu verras, il cite Nietzsche à la fin de l'interview, ça sera en fin d'émission, ouais. Et qui résume à peu près toute cette idée. Hein. C'est, voilà. L'homme qui voulut être roi, un film assez incroyable, je ne sais pas si tu l'as vu, de John Huston, avec Michael Caine et Sean Connery. Des espèces de deux Don Quichotte qui arrivent dans un pays... un petit peu fantasmé. On imagine un pays peut-être d'Amérique, Middle Amérique, et ils vont essayer de se sacrer roi dans ce pays. Donc c'est une espèce de deux Don Quichotte assez incroyable. Musique, évidemment. Michel Jarre. De Maurice. Maurice, pardon. Maurice Jarre. Magnifique encore. Et là, on reconnaît bien sûr le style propre de Maurice Jarre. Donc là, on est dans une musique très proche de Laurence d'Arabie, parce que c'est des films qui finalement se ressemblent un peu. Hein. Ouais. On est dans des grands espaces, on est sur la destinée de deux personnes qui arrivent dans des territoires, je dirais, exotiques, entre guillemets. Utopiques. Utopiques, là, pour le coup, ouais. Mmh. Ouais, mais il y a un peu d'utopie, t'as raison aussi, dans Laurence d'Arabie. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un Orient totalement fantasmé. Mmh. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on reconnaît... J'aime bien quand tu dis que j'ai raison. Ben oui, ouais, et tu as souvent raison. Ça, mais, si, hein, c'est ça, oui. Voilà. Comme cette musique a raison. La musique a raison, de toute façon. Est-ce que la musique ment ? Elle peut pas mentir. Musique, jamais. Voilà. Non, jamais. Tu peux pas mentir. En tout cas, je pense que c'est complètement à l'inverse du mensonge. C'est-à-dire que tu affirmes vraiment... Enfin, c'est la vérité absolue, la musique. C'est marrant parce que je viens de dire la musique c'est la vérité absolue et il y a une envolée comme ça musicale juste après, j'ai l'impression que voilà, ça souligne ce que j'étais en train de dire. C'est à quoi. Et c'est marrant parce que ce genre de musique là est très cinématographique dans le sens où effectivement les symphonies, la grandiloquence, c'est propre au cinéma hollywoodien, surtout un cinéma hollywoodien des années 60, 50, 60 avec l'arrivée du cinémascope qui d'un coup va rendre les films monumentaux par l'image. Et effectivement cette musique, comme la musique de John Williams, Monumentale. La musique de John Williams, c'est celle de Spielberg, c'est celle de Star Wars notamment. Ouais. Donc il y a quelque chose de monumental. Le cinéma bigger than life, selon l'expression hollywoodienne. Et je trouve que ce qui est assez hallucinant, c'est qu'on a été finalement assez conditionné par ce genre de musique. Parce que dès qu'on entend ce genre de musique, qui ne sont pas des compositions classiques, c'est-à-dire que tout de suite, elles soulignent des sentiments, des choses comme ça, on voit en cinémascope. C'est-à-dire que tout de suite, on a cette sensation de grand espace, de choses... Voilà, on imagine vraiment deux personnages, enfin en tout cas des personnages ayant une action. Et où il y a une action derrière ce truc. Alors, la musique classique souligne ce genre de choses aussi, mais d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ça, enfin, on l'entend de par l'utilisation, j'imagine, des instruments, que c'est une musique de film, finalement. Enfin, je sais pas si... Non, mais à mon avis, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que là, il manque l'image, juste. Il faut ça représenter. Ça. Exactement. Voilà. Et donc là, on revient un peu sur terre, hein, des choses un peu plus rationnelles, on va dire. La country music. Voilà, bah là, on était dans le Far West. C'est une nouvelle Hollywood maintenant. Voilà. The Last Picture Movie. Ouais. Un film de Peter Bogdanovich. Ouais. La dernière séance en France. Film en noir et blanc, magnifique. Donc là, ce n'est plus Maurice Jarre, c'est juste des petites gâteries comme ça. Absolument, c'est Hank Williams. Voilà. On aime bien ici de passer du coq à light. À light. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Jambalaya and a crawfish pie and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. C'est vrai qu'en France, en Europe, souvent quand on parle country music, on pense à Johnny Cash. Et Hank Williams reste quand même une figure très très importante de la country music. Et c'est vrai que dans le film La Dernière Séance, The Last Picture Show et non Movie, comme je disais tout à l'heure, de 71, c'était très important d'utiliser Hank Williams, qui est vraiment le terreau de la musique américaine. Il y avait aussi Dolly Parton. Absolument, il y en a tellement. Mais c'est vrai qu'Hank Williams, alors si on écoute Hank Williams, c'est aussi pour le film, mais aussi parce que je suis en train de lire un roman de Stephen King, le dernier, où il fait référence à cette chanson et au film, et du coup ça m'a donné envie de l'écouter. Voilà, voilà. Alors c'est pour toi. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Et j'annonce petite sucrerie après, donc ça va transpirer dans les chaumières. Ça va transpirer, ouais. C'était quelque chose que tu nous as envoyé la semaine dernière, enfin en tout cas l'interprète, tu nous l'as fait écouter la semaine dernière déjà. Absolument, ouais. Donc tu récidives une fois de plus. Je récidive. Ouais. Juste pour revenir à la country music, moi cette country-là est pour moi riche en tout cas en termes d'histoire, c'est-à-dire que ça résonne l'histoire des États-Unis, le côté un peu poussiéreux des grandes plaines américaines, on voit bien le... Voilà, les comment ça s'appelle les trucs là qui les tournent éoliennes. Là, les éoliennes, etc. Voilà, pardon pour le mot. Et mais en revanche, je sais pas si t'as écouté récemment la country qui se fait récente, c'est un peu pourrave quand même. Ouais, mais je pense que la country music, c'est un peu comme le blues. C'est-à-dire c'est des musiques qui sont très imprégnées d'une époque. Ouais, et c'est vrai que leur évolution supporte mal le changement d'époque ou des choses comme ça. C'est vrai. Mais c'est marrant, tu parlais de grands espaces. On était avec David Lean tout à l'heure, les grands espaces et tout ça. Et c'est vrai qu'avec la dernière séance et tous les films du nouvel Hollywood. Merci Eddie, absolument. Mmh. Tous les films du nouvel Hollywood, donc les années 70 qui ont vu naître les De Palma, les Coppola, les choses, tous leurs films étaient recentrés sur les personnages et c'est vrai qu'on oubliait un peu les grands espaces. Mmh. Et c'est vrai que la dernière séance, ça se passe dans une espèce de ville un petit peu Middle West américaine et la caméra refuse presque l'élargissement et des choses comme ça. C'est-à-dire que le cinémascope est à portée, mais on le refuse presque. D'accord. C'est ce qui caractérisait le nouvel Hollywood. Il y a eu des très beaux films de nouvel Hollywood, des très beaux road movies en utilisant l'espace, mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle façon de se réapproprier l'espace. Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on va écouter ce qu'on est en train d'écouter. Et d'assumer en même temps. Et assumer, et après tu nous dis qui c'est et ce que c'est. D'accord. Pour les gens qui ne savent pas. D'accord. Là. Encore. Où l'on entend que le saxophone a fait beaucoup de dégâts dans les années 80. Oui. C'est-à-dire que moi j'y pense même plus, mais c'est vrai. Can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Beau gosse. Donc on a tous connu une nana dans notre adolescence qui te citait forcément trois films. Ouais. Dirty Dancing. Ouais. Donc celui-là. Voilà, absolument, les deux interprètes, Patrick Swayze et la ravissante Jennifer Grey. Jennifer Grey, absolument. Mmh. Qui a aujourd'hui complètement disparu, comme notre ami Patrick Swayze. Voilà. Et te citait aussi, la nana te citait aussi normalement Rain Man. Elle avait même le poster dans sa chambre. Ah d'accord. Avec Tom Cruise et Dustin Hoffman. Ouais. Et troisièmement, Le Grand Bleu. Ah d'accord. On l'a tous connu, cette jeune fille-là, non ? C'est vrai. C'est vrai que les nanas de notre génération, hein, qui, voilà, c'est les nanas de trentenaire, hein, ne parle que de Dirty Dancing. C'est culte. Moi, je n'ai jamais vu Dirty Dancing. Voilà, je le dis maintenant. Je n'ai jamais vu Dirty Dancing. Moi, j'ai jamais vu La Petite Maison dans la Prairie. Même pas une seule image. Ah ouais, alors ça, c'est complètement hallucinant. Oui, je sais. Je ne sais pas comment je suis passé à côté. C'est ambiance martien. Voilà. D'accord. La Petite Maison dans la Prairie. Ouh là là, pardon. Eh oui. Realize that my life would change forever. river. Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality. The only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality. Tu danses? Ah, oui, je danse. Avec ça et Dirty Dancing, c'est le quart d'heure américain. Ça, si t'emballais pas avec cette chanson-là quand t'étais gamin, t'emballais avec rien du tout. Hein. Me dis pas ça, j'ai pas emballé, j'ai jamais emballé avec cette chanson. Merde. C'est marrant parce qu'il y a comme ça des chansons qui sont des madeleines en fait. Celle-là en fait partie, enfin en ce qui me concerne, ouais. Qui t'irrissent les poils. Moi, elle m'irrisse les là, poils. Les poils sont irrissés. Ah ouais, les poils sont irrissés. D'accord. Et ça me donne des, ouais, des frissons. Quoi. Tu te rappelles du prénom de Sophie Marceau dans La Boum ? Oui, alors attends, qui s'appelait. Ah, ne me le dis pas, je vais réfléchir. Vicky. Non, Vic, tout simplement. Vic, merde. Show me what to do. I feel something special about you. Dreams are my reality. The only kind of reality. C'est finalement une musique qui résonne une seule chose, c'est la simplicité. À cette époque, tout était beaucoup plus simple. Ah. T'es pas d'accord avec ça ? Mais parce qu'on était jeunes et ben voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est tout était beaucoup plus simple. C'est t'aimes, t'aimes pas. Tu voilà. En même temps, Vic se posait beaucoup de problèmes. Est-ce que je mets ça ? Est-ce que je mets tel jean ? Est-ce que tu vois ? Ouais, mais nous, on est des mecs. On se posait pas cette question-là. Un peu, c'est quand même non. Merde. Ouais, c'est vrai. Ton jean Lee Cooper comme ça, tu disais pas c'est ce que je mets. Est-ce que je le mets celui-là ou ça ? Est-ce que ça va plaire à Samantha, à Sarah, à Déborah ? Les parents de Vic ? On a révélé tous ses avoirs. Brigitte Fossé. Brigitte Fossé et... Comment Brasseur. Bah, Brasseur, Claude Brasseur. Claude Brasseur. Ouais. Surtout la grand-mère. On a tous rêvé d'avoir cette grand-mère. Denise non. Gray. Ouais. Bon, on va pas se l'écouter en entier, celle-là, parce qu'on la connaît tous. Dream is my reality, c'est tout. Dream is my reality. C'était donc... Comment il s'appelle le mec qui a chanté ça ? Le mec qui chantait ça, il s'appelait... Richard Sanderson. Voilà, Richard Sanderson. Et le groupe qui chantait l'autre tube de La Boom 2, c'était Cook the Book. Ils vont même au concert. Ah d'accord, ok. Voilà, on va rentrer avec un grand. Hein. Ouais, on l'introduit ou pas ? Non, pas besoin. On l'a beaucoup écouté dans les émissions de ton frère. Parce qu'on l'aime. Charles, hein. Ray Charles de Taylor Hackford, le biopic était assez réussi, moi j'ai trouvé très chronologique. Jamie Foxx, incroyable. Alors Jamie Foxx que j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'interviewer pour le film, ouais. Et c'était incroyable parce que tu commençais à lui poser une question sur Ray Charles et il commençait à te chanter I've Got a Woman, notamment cette chanson. Ouais. Genre il singeait le mec, sûr. Mais c'est incroyable, c'est-à-dire que vraiment il avait toutes les mimiques. C'est vraiment ce qu'on appelle la performance d'acteur pure, quoi. Ouais, c'est un peu agacé. Ouais, c'est-à-dire que le mec il était juste imprégné du truc, quoi. Absolument. Tout simplement. On sent vraiment le truc à l'américaine. Genre j'essaie de ressembler, de mimer au maxi, enfin voilà, d'avoir les mêmes gestes, la même gestuelle, la même voix que l'original. Ce qui est émouvant avec ce film, c'est que Ray Charles était a tout suivi toute la production, ouais, et est mort avant la sortie du film. Je crois qu'il a vu quand même le film en partie terminé. Ah d'accord. Way over town, that's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way over town, that's good to me. Oh, yeah. Oh, she's my baby. Don't you understand? Yeah, I'm a lover man. Alors, un titre qui a été forcément samplé par Kanye West et qui a fait un boom sur les dance floors il y a à peu près un an, qui a été repris par Toute Scène de Metals récemment sur l'album qui vient de sortir de Toute Scène de Metals, qui en fait c'est un album anniversaire qui reprend les 20 ans de Toute Scène de Metals. On écoute, pardon, Maurice Jarre. Qui va te couper la chic. Qui va me couper la chic. Chic alors. La musique pour un film est une partie d'une œuvre collective groupant les dialogues, la photo, les sons, mais néanmoins une partie importante. Combien de scènes sans la musique perdraient leur efficacité? À mon avis, la musique d'un film doit intervenir, premièrement comme un contrepoint de l'image, deuxièmement lorsqu'elle suggère ce que le réalisateur a voulu évoquer et pour quelque raison il n'y est pas parvenu, troisièmement pour anticiper l'action, quatrièmement, pour évoquer ce qu'on ne voit pas sur l'écran. Malheureusement, dans de nombreux cas, le réalisateur insiste, et quelquefois dictatorialement, pour demander au compositeur d'illustrer avec sa musique ce que l'image décrit déjà parfaitement. En fait, ce qui veut dire, c'est que de temps en temps, le silence est bien mieux que la musique, finalement. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a, en plus, ce qu'il dit aussi, c'est qu'il n'y a pas de règles. Ouais. Et alors, c'est marrant parce que j'ai mis le thème de Psychose. Mmh. Hein, on parlait de Bernard Herrmann pour le côté très symphonique. John Williams, on aurait pu aussi citer Bernard Herrmann tout à l'heure pour le côté très, j'allais dire, ampoulé. C'est pas juste, mais en tout cas, grandiloquent. Mmh. Et le thème voilà, de Psychose, avec la fameuse scène de la douche, on va l'écouter un petit peu plus loin dans le thème. Mmh. Ben voilà, c'est la caractéristique de ça. C'est-à-dire que la scène et le petit thème, là, juste les petits... Symbolise juste... Ouais, il y a une espèce d'harmonie entre la scène, le son, ce qui se passe à l'écran. Enfin, je veux dire, sans ce thème-là, le film n'existe plus. Bien sûr. C'est incroyable d'entendre Est-ce qu'on a envie de dire la musique, troisième personnage du film? Est-ce qu'on pousse le bouchon jusqu'à ce... Protagoniste numéro 1. Ouais. Donc là, on entend en fait les Ghosts of Bernard Herrmann. C'est un album qui a été... Enfin voilà, c'est Stéphane Oliva, qui est un jeune pianiste français, qui a repris au piano tous les thèmes, enfin en tout cas une grande partie des thèmes de Bernard Herrmann. D'accord. Et ce qui est bien, c'est que nous permet de les entendre dépouillés, juste avec la ligne de piano, et c'est fantastique. Et on va écouter bien sûr la montée avec la fameuse scène de la douche et les fameux les accords stridents quand la pauvre... demoiselle se fait assassiner sauvagement dans la douche. Thank you. Donc là, la pauvre Janet Leigh vient de se prendre des coups de... On l'appelle au meurtre. Ouais, absolument. Elle prenait sa douche tranquillement dans son petit motel. Voilà. Elle croyait bien tranquille. Ouais. Et elle s'est fait sauvagement assassiner. Et voilà. Et bah, tu sais qu'il existe une espèce de douche. Tu devais prendre un bain à la base. Voilà, absolument. Alors, elle a dû prendre un bain. La scène aurait été un peu différente. Ouais. Hein. On se souvient un petit peu là, voilà, la main, l'ombre. À l'ombre qui arrive progressivement. Là, on voit le rideau de douche et tout ça, et les accords stridents. Et alors, il y a quelque chose. L'histoire, avec un petit H cette fois, raconte que finalement, c'est pas Hitchcock qui aurait dirigé cette scène, mais Saul Bass. Saul Bass qui faisait tous les génériques graphiques. Donc là, tu parles d'une rumeur, en fait. Ouais, d'une rumeur alors, qui a été un petit peu perpétuée à travers les âges, j'ai envie de dire. Un film qui date des années 60. Et en fait, moi, j'ai envie de dire qu'importe. C'est que sans Hitchcock et sans le scénario, sans l'ambiance d'Hitchcock, sans l'univers d'Hitchcock, si c'est Saul Bass qui a dirigé ça, il ne l'aurait pas imaginé. Donc, grâce soit rendue au grand Hitch. Finalement, il suffit que de quelques notes pour symboliser quelque chose. Pas besoin d'un... Comme Morizard, enfin, j'ai pas envie de faire une comparaison qui n'a pas lieu d'être, mais voilà, il suffit de quand même quelques notes pour symboliser juste un sentiment, ou en tout cas un sentiment d'effroi. Oui, absolument. Et c'est vrai que là, c'est marrant parce qu'on écoutait tout à l'heure le thème de Laurence d'Arabie, c'est un film de 62, Cinémascope, les grands espaces, et on met toute la cavalerie, c'est-à-dire l'espace symphonique. Là, on est presque à la même époque, on est en noir et blanc, on est dans une douche, dans une petite salle, et donc effectivement, on est avec quelque chose, une musique très minimale. Bien sûr. Donc finalement, voilà, musique épouse et le film. Claustrophobe, hein. ce sentiment de claustrophobie. Bah, absolument, ouais. Donc c'est ça que je trouve intéressant d'écouter, et d'autant plus cette réinterprétation au piano permet d'écouter la musique de Bernard Herrmann, qui peut être aussi très symphonique de manière très dépouillée, et ça lui rend justice en fait. Pardon, je tousse parce que je suis un peu malade. Bah écoute, voilà, soigne-toi surtout. Et là, je vais te soigner, tu sais, ça va être un peu pour toi ça. On va écouter du Elvis Presley. D'accord. Crawfish. Musique préférée de quelqu'un que tu aimes bien, hein, le chanteur des Clash, Joe Strummer. Joe Strummer, paix à son âme. Just last night, there was no moon, but the stars were bright. Put a big long hook on a big long pole, and I pulled Mr. Crawfish out of his hole. Crawfish, crawfish. See, I got him, see the size, stripped and cleaned before your eyes. Sweet meat, look fresh and ready to cook. Je mets cette musique en pensant à Joe Strummer, et dans une émission de cinéma, c'est tout simplement qu'il y a eu un film récemment de Julian Temple, un documentaire ouais. Voilà, sur Joe Strummer. Et encore une fois, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, il va certainement sortir en DVD très bientôt. Je crois pas qu'il soit sorti encore, mais il va sortir très bientôt en DVD. Ruez-vous dessus parce que c'est vraiment un exceptionnel film. Sachant que vraiment le sentiment partagé du Mato et de moi-même, parce qu'on l'a vu ensemble, c'était la créativité. On s'est dit, putain, la créativité, le mec, il avait une énergie, et c'est ça la base du punk, hein, le punk, c'est uniquement ça, c'est résumé dans l'énergie. Bah rien que pour toi, on va l'écouter après la voix de Joe Strummer. Super. Parce qu'il faisait aussi un peu le DJ dans les petites radios, comme nous on fait aujourd'hui. Parfait. Et il explique pourquoi il adore cette musique d'Elvis Presley. Alors on l'écoute. On l'écoute, Joe. That's a great Elvis Presley and my favorite Elvis tune because it's got that New Orleans flavor in there and you can feel the heat on the street and the type of life living. And also it's quite, I think for its time, early cut, very unusual arrangement and backing. Anyway, that's the one... That rings my bell. Alors, juste pour ceux qui comprennent un peu moins bien l'anglais que nous, parce que nous, on comprend très très bien, il disait qu'il aimait beaucoup ce titre, parce que ce titre, lui, lui fait résonner donc, les rues de la Nouvelle-Orléans et cet esprit un peu âpre et un peu genre dense de la Nouvelle-Orléans. Et il trouvait que ce titre était assez hallucinant parce qu'il était très novateur dans la composition et d'une simplicité à toute épreuve. Quoi. Toute épreuve. Voilà. Et là, est-ce qu'on peut dire que Joe Strummer, pour faire une petite transition, était un lonesome cowboy? Ah, bien sûr. Ah bah donc c'était... le thème de The Unforgiven, impitoyable, film western crépusculaire de Clint Eastwood, magnifique. On s'écoute donc à la bande originale. Moi, j'ai adoré ce film. Hein. Ouais, c'était un magnifique film. Disons que c'était, on retrouvait le Clint Eastwood de l'époque avec. Ouais, en même temps, rappelle-toi, c'est quand même un cow-boy finissant, hein, qui n'arrivait plus vraiment à monter oui. à cheval. Non, mais c'est-à-dire qu'on n'avait pas vu Clint Eastwood depuis pas mal de temps dans le rôle d'un cow-boy. Absolument. C'est ce que je voulais dire en fait. Ouais, et c'était assez incroyable qu'il fasse ce film. Enfin, incroyable, oui et non. C'est-à-dire qu'une espèce de, il remettait un petit peu pas en cause, mais en tout cas, il acceptait de vieillir, il acceptait de casser plus ou moins le mythe du cow-boy. Ouais. Et c'est vrai que Unforgiven, impitoyable en français, était un film vraiment sublime. On le doit à Lenny Niehaus, le thème qu'on écoute, ouais. Fidèle entre les fidèles de Clint, du cinéma. Parce qu'il Clint. A fait tous les films de Clint. Absolument. Enfin, disais, ouais. En tout cas, une bonne partie, ouais. Quasiment. Et c'est vrai que Clint lui compose aussi lui-même. D'accord, ah oui. Voilà, il fait aussi des musiques de films, voilà, et avec beaucoup de minimalisme dans son style, très jazzy parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très empreint de jazz. Mm-hmm. Et là, ces petites musiques, là, on est dans le Far West, et dans l'Ouest. Et juste après, on continue sur Clint Eastwood. Ouais, mais avec un autre compositeur. Ouais. Et surtout Clint, ah. Acteur. Ah. Dirty Harry, mythique Don Siegel. Et puis, le thème, The Big Lalo Schifrin. The bean is this is the 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and it could blow your head clean off. You have to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Je pue peut-être, mais j'ai un gros flingue. Ouais, c'est ça, hein, ouais, absolument. Ouais, ouais. C'est Dirty Harry, hein. We'll be right back. j'avais pas coupé le micro. On a rien dit de con. Hein. Bah, je pense pas, non. On parlait de rosé. Prends donc du rosé, parce qu'on boit le cul sec. Ouais. On a rien dit de con. Et on parlait un petit peu d'un autre compositeur, Guillaume, qui est arrivé. Tonkin, qui s'est suicidé juste après, apparemment, avoir fait la musique de Rosemary's Baby. Voilà, un film mythique de Roman Polanski. Mmh. To be confirmed, j'ai envie de dire TBC, mais surtout là, c'est Lalo Schifrin, Magic Argentine Composer. Est-ce que, excuse-moi, je vais peut-être dire une connerie, mais est-ce que c'est lui qui a composé Shaft aussi? Non, Shaft, c'est Isaac Hayes. Isaac Hayes, ouais. Lalo Schifrin, hein, je répète ce nom mythique, hein, le thème de Mission Impossible, c'est Lalo Schifrin. Bien sûr. Voilà. Donc un pianiste argentin de formation qui a composé des grands thèmes, des incontournable. Thèmes mythiques. Absolument. Incontournable. C'est lui. Ouais. Absolument. On en a parlé lundi soir avec ton frère. Ah, justement. Bah, Lalo Schifrin. Et toi, t'écoutes. Non, pardon, et tout simplement son play, l'émission. Ouais. Oula. Oh, yes, man. Number one. J'imagine que c'est pour un film de Spike Lee au moins, ça. Eh ben non. Eh non. Un film de Ridley Scott. Ah merde. Qui est allé récemment sur le terrain de Spike Lee, parce que Spike Lee aurait pu le faire, ce film. Ça s'appelle American Gangster. Ah bah oui, bien sûr. L'histoire, le rise and fall d'un parrain black. Denzel. Washington, interprété. Le mec s'appelle Frank Lucas dans la réalité. Le mec qui a introduit un petit peu le marché de l'héroïne à New York. C'était un des plus grands mafieux black. Hein, The Pimp, on les appelle les Pimps. Hein. The Pimp, ouais, mais les Pimps, c'était des petits quand même. Les Pimps, c'était les macros. Hein, ouais, en France, lui a touché les étoiles, a touché le. Lui, s'est mis à la hauteur, à la hauteur des parrains italiens. Des Ritals. Presque à les détrôner. Ouais. American Gangster, Russell Crowe dans le rôle du flic. Denzel Washington, moins convaincant. Si je puis me permettre, moins convaincant pour ma part, moins convaincant que Denzel Washington. Bien que moi, j'aime pas Denzel Washington, là, je trouve qu'il est beaucoup plus convaincant. Je trouve qu'il y a une petite erreur de casting en ce qui concerne Russell Crowe. On va pas entamer un débat, je suis entièrement pas d'accord. Moi, je trouve qu'on aurait pu trouver quelqu'un d'autre, d'un peu plus charismatique, ou en tout cas qui représentait peut-être un peu plus. Moi, j'y crois pas, Russell Crowe, hein, dans ce rôle-là, personnellement. Tous les goûts sont dans la nature. On aime Public Enemy. Musique anachronique pour le film, puisque le film est censé se situer dans les années 70. Voilà, en pleine guerre du Vietnam. Et pourtant, on écoute Public Enemy qui est né dans les années 80. Ouais. Mais c'est plutôt intéressant d'écouter cette BO, d'écouter le son, la rage de Public Enemy. Et justement, je trouve que c'est assez intéressant d'écouter l'histoire de l'ascension d'un pimp black dans les années 70 et d'écouter Public Enemy, qui sont un peu les black heroes des années 80 et encore aujourd'hui. My attitude balls inside. If that ain't it, Erratum. Erratum. Erratum. Droit de réponse. Droit de Guillaume. Réponse. Guillaume qui est dans, la, le, dans studio. Le studio et qui nous expliquait qu'effectivement il n'y a pas du tout d'anachronisme chez Ridley Scott en utilisant ce morceau, puisqu'il l'utilise à la fin du film quand Frank Lucas sort de prison. Et on est au début des années 80, ou en tout cas au milieu des années 80, exact, au moment où ce morceau a été composé. Mea culpa. Et on parlait d'anachronisme, là on va rentrer en plein dans l'anachronisme parce qu'on va écouter Maurice Jarre, c'est absolument ça? Absolument. Voilà. Mais c'est bien, on aime bien les décalages. Maurice Jarre est toujours vivant? Bien sûr, absolument. Ouais. Il a composé récemment une musique pour Danny Boyle, j'en parlais au début de l'émission Sunshine en 99. Ouais. Il est toujours vivant, il opère toujours. En 99, non, Sunshine c'était récemment là. Ouais, la musique a été composée en 99 parce qu'il a fallu un peu de temps pour que le film sorte. Ah oui, d'accord. Absolument. Je m'efforce, et j'ai appris cela de David Lean, de commencer une séquence très piano, très doucement, de sorte qu'on n'entende pas le début. Et puis, soudainement, la musique est là et on n'a pas entendu le commencement. De même, pour la fin de la séquence, la musique disparaît sans qu'on s'en rende compte. Une espèce de sorte d'effet de surprise. En ce qui concerne l'orchestration, j'aime aussi créer un effet de surprise en utilisant autant que possible des sons ou des combinaisons de sons inouïs. Ceci en employant des instruments ethniques ou en mélangeant des sons électroniques avec des instruments conventionnels de l'orchestre et quelquefois en multipliant le nombre de certains instruments habituellement solistes. Je pense aux 12 pianos de Paris Brûle-t-il pour évoquer le martèlement des bottes nazies de l'occupation. J'ai utilisé 8 harpes dans La fille de Ryan comme un son d'une énorme harpe celtique. J'ai employé 10 percussions dans Mad Max ou dans le tambour, et puis j'ai employé évidemment les 30 balalaïkas de Dr Jivago. Dr Jivago tout de suite, hein, d'ailleurs. Que dire de plus ? Maurice Jarre te balance un nombre de films les uns à la suite des autres. C'est impressionnant, hein, quand même. Comme s'il disait, bon, bah, moi là, hier j'ai fait ça. Il te dit Mad Max, Dr Jivago, la fille du Dr Ryan. Du soldat Ryan. Incroyable. Bah, ouais. Et c'est juste, voilà. Tu restes quoi devant ça ? Ouais, c'est magistral. Ouais, c'est magistral. Il parlait du Dr Jivago. On l'écoute. Voilà, après le beat strident de Public Enemy, la grâce de Jivago. De Jivago, on est à une autre époque, hein, quand même. Hein, ah bah oui. Hein, on est dans le roman de Boris Pasternak et surtout dans un film de David Lean. David Lean, le grand fidèle de Maurice Jarre, puisqu'ils ont inversement. Ouais, ouais. Hein. On a écouté tout à l'heure Laurence d'Arabie. Il y a eu aussi La fille du soldat Ryan que comment s'appelle Maurice Jarre a composé, bien sûr. Je l'appelle Maurice maintenant. Maurice, bien sûr, c'est un intime. Maintenant, c'est ça qui est bien avec cette émission, c'est qu'au final, Godard est devenu un ami. Ouais. Hein, Jean-Luc, on l'appelle maintenant Jean-Luc. Juan Lucas. Et Maurice, c'est Maurizio. Maurizio. Hein, laisse-moi l'appeler Maurizio. On se réécoute le Dr Jivago et le mythique Omar Sharif. Magnifique. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on va écouter maintenant la fin de l'interview de Maurice Jarre. Absolument. Il conclut. Et de manière magistrale, je te parlais de Nietzsche. Il dit, ça dure quoi ? Quelques secondes. Il dit tout en quelques mots. Voilà. Je propose qu'on écoute juste quelques accords encore, Docteur Jivago, si tu veux bien. D'accord, bien et sûr. Après, on l'écoute parler juste sans simplement. Problème. Quelquefois, cette discipline est difficile à assumer. Composer une musique pour un film, pour moi, est toujours fascinant. Et je pense pouvoir, avec un peu de provocation, paraphraser Nietzsche en disant « Un film sans musique serait une erreur ». Que dire, que dalle, sinon écoutez Maurice Jarre avec Paris Brutille. Question toujours d'actualité. Hein. Paris brûle-t-il encore? Est-ce que Paris a le feu, quoi? Si c'est pas Paris, en tout cas, c'est ses alentours. C'est Villiers-le-Bel, ouais, qui prend malheureusement aujourd'hui des airs de tragédie urbaine. Hein. Ouais. J'ai toujours dit que cette radio resterait apolitique, donc... Elle l'est toujours. Ouais. C'est une radio apolitique, mais pas dénuée de sentiments. Absolument. Et qui suit aussi l'histoire de son temps. Une histoire tragique, ouais. Hier, ouais, ouais. Thomas. Il chantait, il avait composé les histoires d'amour. Ouais. L'histoire d'amour s'est terminée un petit peu mal, puisque Fred Chichin, malheureusement, nous a quitté. Et de toute façon... Le co-leader, je dirais, d'Erita Mitsuko. Mmh. L'Erita avec Catherine Ringer, c'était lui, Fred Chichin, il s'est éteint. J'avoue personnellement, ça m'a beaucoup beaucoup affecté. Non pas que je le connaissais personnellement, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a m'a donné un petit coup de fouet à la chanson française dans les années 80. A fait des hymnes incroyables. Et bah voilà, je voulais terminer là-dessus pour lui rendre hommage. En fait, la première fois que l'Erita Mitsuko a été, je dirais, utilisée pour le grand écran, c'était Jacques Doyon. Donc en 87, qu'il utilisait pour l'amoureuse. Donc voilà, et il a utilisé les histoires d'A, donc pas que la chanson a été composée pour le film, mais voilà, Jacques Doyon l'a utilisé au début et à la fin du film, l'approbation, effectivement sous l'approbation de Fred Chichin. Voilà. J'ai envie de dire, les histoires d'A et les histoires d'amour finissent mal en général, voilà, donc, malheureusement. Une petite pensée pour Fred Chichin, on va l'appeler Fred, et voilà, bah, bon vent, et j'espère que de là-haut tu nous écoutes et que tu écoutes ma radio surtout. Nous, en tout cas, on pense à toi très fort, et c'est vrai que je suis c'est assez intense. Ému. Ouais, ouais. Moi aussi, je pense qu'on était beaucoup à être ému. C'était Fred Chichin, c'était une époque, ouais, ça représentait beaucoup de choses pour, enfin, en tout cas, notre génération. Absolument. Parce que c'était eux qui sont allés aussi piocher pas mal de musique un peu de par le monde, au Japon, en Afrique, tout ça, qui l'ont incorporé à leur musique et qui ont ouvert quelque chose de complètement neuf qu'on ne connaissait et puis, pas. Il y avait un côté très décomplexé, c'est-à-dire que des mecs comme Daniel Dark, Taxi Girl par exemple, se disaient, bah oui, mais nous on est français, mais on peut aussi faire de la musique comme les Anglais, bien sûr. On peut aussi faire de la musique comme les Américains, et surtout, voilà, Fred Chichin était un passionné de glam rock et il l'a introduit dans sa musique, et voilà, il était auteur des meilleurs, il y a une étoile qui brille là-haut, c'est celle de Fred. Qu'une seule personne qui en parle le mieux, c'est elle. Et elle. comme on dit en Angleterre. Voilà, j'ai envie de citer avec encore énormément d'humilité Fred Chicha, ou en tout cas Lerita Mitsuko, c'est la mort qui t'a assassiné. Voilà, c'était Fred Chicha et Catherine Ringer qui a eu quand même 3 enfants avec Fred Chicha. Absolument, des enfants orphelins, un peu de père ouais, en tout cas aujourd'hui. En tout cas, on est tous, j'ai envie de balancer une banalité, mais on est tous un peu orphelins de Fred Chicha ce soir. Absolument. Ouais. Non, mais on se souvient, c'est de ce visage émacié, ce sourire. Ouais. Là, c'est marrant, on réécoutait les interviews, quelqu'un vraiment très généreux, un musicien hors pair. Ouais. Voilà, et toujours en retrait, jamais de grand. Enfin voilà, il était humble. Voilà. On le saura aussi en le laissant terminer. Ouais. Et moi, je te dis à jeudi prochain. À jeudi, pour du cinéma. Salut. Et moi, je vous dis à lundi prochain. Un petit éternuement à tes souhaits. J'éternue en même temps. Et je vous dis à lundi prochain pour l'émission Tout Simplement Samplé avec Guillaume qui est dans le studio. Ain't no sample, baby, that's original. Voilà, à lundi prochain. Et à